s'exprime sur Fadjet, présenté par l'association Coexister Nancy. Bonjour et bienvenue dans Coexprime, l'émission qui donne la parole à des jeunes de différentes convictions religieuses, spirituelles ou philosophiques. Aujourd'hui, pour notre première émission, en ce début d'année, nous allons échanger sur l'importance des fêtes dans les différentes convictions et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir quatre intervenants et intervenantes. Nous aurons donc le plaisir d'entendre le témoignage d'Audrey qui est bouddhiste. Salut Audrey. Salut. De Antoine qui est chrétien. Salut. Donc je précise que ce ne sont pas des représentants d'une communauté ou d'une conviction, mais qui sont ici en tant qu'individus pour nous partager leur expérience personnelle. Je suis super heureuse de pouvoir discuter aujourd'hui avec vous sur les fêtes dans vos différentes convictions. Et pour commencer, je vous propose d'abord de présenter en quelques mots votre conviction et votre rapport à votre conviction. Donc est-ce qu'elle vous a été transmise par votre famille ou bien est-ce que c'est une démarche plus personnelle? Quelle est l'importance de votre conviction pour vous? Donc par exemple, Antoine, donc toi je rappelle que tu es chrétien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta conviction? Oui, bien sûr. Donc moi je suis chrétien catholique, j'ai été élevé dans une famille catholique en fait, mes parents sont croyants, et donc j'ai toujours été un peu baigné dans cette conviction, j'ai fait du catéchisme quand j'étais jeune, enfin, on allait régulièrement à la messe, et donc aujourd'hui je vais pas à la messe tous les dimanches, mais... Voilà, je garde quand même cette éducation catholique et ces valeurs qui m'ont été transmises notamment par la religion. Donc voilà, j'ai un rapport qui n'est pas totalement 100% pratiquant, mais je garde cette historique et ces valeurs chrétiennes. Ok, donc beaucoup par ta famille du coup. Voilà. Et toi Audrey, donc tu es bouddhiste, est-ce que c'est aussi ta famille qui t'a transmis cette conviction ou pas du tout? Comment ça s'est passé pour toi? Alors oui, effectivement, moi je suis bouddhiste, Theravada. Le Theravada, c'est pas du tout une histoire de famille pour le coup. C'est vraiment une conversion et un choix purement personnel. Donc contrairement à Antoine, effectivement, j'ai pas d'historique familial lié à ma religion. Ok, alors merci beaucoup. Donc maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de nous tourner davantage sur le thème de cette émission, donc à savoir les fêtes dans les différentes convictions. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous donner une idée des fêtes importantes de votre conviction? Donc par exemple, Audrey, est-ce qu'il y a des fêtes dans le bouddhisme et c'est quoi, quelle forme ça prend? Alors la fête la plus importante, enfin celle qui vient en tête en premier, c'est la fête du Vesak. En fait, le Vesak, c'est une célébration où on célèbre à la fois l'anniversaire du Bouddha, donc sa naissance, son illumination, donc son atteinte du nirvana, et sa mort. Donc là, c'est vraiment une fête très importante. Tous les ans, les gens font des offrandes, ils passent leur journée à prier dans les pagodes, à méditer. Voilà, c'est vraiment un temps très fort de l'année. Après, il y a d'autres fêtes aussi, bien évidemment, qui sont importantes. Je pense notamment à Katina, qui est la fête un petit peu réservée aux moines et aux moniales, où les laïcs, en fait, viennent offrir un bout de tissu aux moines et aux moniales pour qu'ils en fassent une robe, pour qu'ils se fassent leur robe avec. Après, on a encore d'autres fêtes importantes. On a une fête qui s'appelle Maga Puja. On a Asala Puja, qui est la fête du premier sermon du Bouddha. Voilà, ça, c'est vraiment les fêtes importantes dans le Theravada. Ok. Et du coup, toi, personnellement, est-ce qu'il y a une fête que t'aimes particulièrement, qui est la plus importante, en fait, à tes yeux? Bah, je pense que celle que j'affectionne particulièrement, c'est le Vesak. Déjà parce que c'est celle qui nous permet vraiment de se souvenir de l'histoire du Bouddha, comment est-ce qu'il est né, comment est-ce qu'il a donné son enseignement, enfin voilà, de se rappeler un petit peu pourquoi on est bouddhiste et de se rapprocher du Dharma, de l'enseignement du Bouddha. Donc voilà, je pense que c'est la fête qui est pour moi la plus importante dans l'année. Super, bah, merci beaucoup. Et du coup, donc Antoine, donc toi tu es chrétien, quand on pense christianisme, on pense tout de suite à Noël, c'est aussi la naissance du Christ, comme si on peut faire un parallèle peut-être un peu avec le Vesak. Est-ce que c'est la fête la plus importante? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont tout autant importantes? Enfin, c'est quoi les fêtes dans le christianisme? Alors, les fêtes dans le christianisme, elles sont relativement connues en France, puisque c'est les jours fériés, principalement. Donc, il y a une partie des jours fériés en France qui sont des fêtes chrétiennes. Donc, effectivement, il y a Noël, mais en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la fête la plus importante dans le christianisme, c'est plutôt Pâques, la fête de Pâques, donc en mars-avril, qui célèbre la résurrection en fait, de Jésus-Christ après 3 jours, enfin le 3e jour après sa mort. D'ailleurs, je crois que Noël n'était même pas célébré il y a encore quelques siècles. C'était juste Pâques la plus importante. Et puis après, il y a plein d'autres fêtes. Il y a l'Ascension qui célèbre la montée de Jésus au ciel. Un peu après Pâques, après sa résurrection, il était revenu parmi ses amis et là, il remonte au ciel définitivement. Il y a plein d'autres fêtes, mais aussi des moments qui sont importants dans le christianisme. C'est aussi les périodes qui précèdent Noël et Pâques, donc l'Avent et donc pour Noël et le Carême pour Pâques, qui sont des périodes un peu d'attente, un peu de... Enfin voilà, l'Avent, c'est les 4 semaines avant Noël où on célèbre petit à petit la venue du Christ. Et pour le Carême, c'est une période où on va essayer de faire des efforts sur nous, de se priver aussi un peu de ce qui peut être superflu, en commémoration de la souffrance du Christ un peu avant sa mort. Mais je dirais que pour moi, une fête qui me paraît particulièrement importante de mon point de vue, c'est quand même Noël, puisque c'est historiquement, c'est une fête où en fait je revois toute ma famille, on se retrouve en famille lors de moments très conviviaux. Donc voilà, c'est une fête que j'ai toujours plaisir à avoir dans l'année. Et puis enfin, voilà, retrouver les proches, passer des bons moments avec eux, ça fait toujours plaisir. Effectivement. On accueille aussi Eshaïma, qui est musulmane. Donc bienvenue Eshaïma. Merci, bonjour. Et Mathieu, qui est athée. Salut Mathieu. Bonjour. Du coup, Mathieu, toi, tu es athée. Donc, je ne crois pas qu'il y ait réellement de fêtes dans l'athéisme vraiment connu, mais il y a bien sûr des fêtes aussi qui ne sont pas du tout rattachées aux religions, des fêtes laïques, en quelque sorte. Du coup, en fait, quel exemple te vient à l'esprit quand on te parle de fêtes, toi, personnellement ? Alors, pour moi, il y a plusieurs types de fêtes qui me viennent à l'esprit. Il y a déjà les fêtes qui sont d'origine religieuse, comme Noël, par exemple, qu'on fête aussi même si on est laïque, parce que bah, c'est l'occasion de se retrouver au niveau de la famille, et puis de quand même fêter Noël en se faisant des cadeaux. Pâques aussi. Et il y a les autres fêtes qui sont vraiment laïques, auxquelles je pense, par exemple Nouvel An, le 14 juillet, même les fêtes qui commémorent par exemple les fins des guerres. Tous ces jours fériés, en fait, ce sont des fêtes que l'on va fêter entre amis ou alors pour commémorer quelque chose. Mmh. Et du coup, est-ce qu'il y en a une que toi t'affectionnes particulièrement ? Oui, moi j'aime beaucoup le Nouvel An parce que c'est l'occasion pour moi de retourner dans ma ville et de revoir tous mes amis, de faire la fête avec mes amis et c'est vraiment cette ambiance de on se retrouve tous et on sait que quelle que soit l'année, on se retrouve sur cette période entre Noël et Nouvel An. Et ça c'est chouette, j'aime bien. Oui, super. Toi du coup, Eshaïma, donc tu es musulmane, bah, pareil, même question, pour toi, c'est quoi les fêtes les plus importantes de l'islam et celles que tu affectionnes, toi, personnellement, le plus ? En fait, d'abord, je devrais dire que moi, je suis musulmane sunniste, puisqu'il y a plusieurs islams, il n'y en a pas qu'un seul. Donc, pour ne pas parler d'autres fêtes, puisqu'il y en a deux fêtes qui sont principales, ou sont, je pourrais dire, qui sont communes entre tous les musulmans du monde. Et puis, on a quelques petites fêtes qui symbolisent, en fait, comment dirais-je, soit chiite, soit sunnite, ouais, les différents voilà, courants. Les différentes orientations. Donc, je pourrais parler de deux fêtes. En fait, la première fête, c'est la fête de l'fêtre. C'est la fête du rupture, du jeûne, en fait, du ramadan. Et en fait, ça arrive après le mois de ramadan. Après 30 jours, 31, ou voilà, ou 29 jours de jeûne en fait chez les musulmans. Et du coup, c'est une fête où ça commence par une prière. Les musulmans doivent être habillés avec des habits neufs. Les enfants aussi reçoivent des cadeaux. On voit la famille, on rencontre en fait les amis. Donc c'est une fête plutôt pour rencontrer en fait voilà nos amis, rencontrer les connaissances et tout. Puis il y a la plus grande fête, si je pourrais dire, qui symbolise vraiment en fait l'islam, c'est la fête, la grande fête, c'est la fête du sacrifice. Et cette fête-là, c'est vraiment la fête inégalable en fait de l'islam. C'est celle qui symbolise vraiment en fait la croyance musulmane et l'obéissance en fait du croyant vers son Dieu. Et cette fête-là, en fait, c'est la plus grande et c'est là où on sacrifie justement un bélier. Et là aussi, en fait, on fait une prière en fait le matin. Et puis après, bien sûr, on doit porter nos très beaux habits. Les enfants aussi reçoivent en fait des cadeaux. Et en fait, on doit manger le tiers de la bête. Et puis les deux tiers doivent être, partagés soit avec la famille, soit avec les pauvres, soit avec les connaissances. Et du coup, c'est les deux grandes fêtes qui symbolisent l'année musulmane. Voilà. Okay. Puis il reste aussi des petites fêtes, en fait... comme la naissance du prophète, comme Ashura. En fait, il y a des petites fêtes, mais comme j'avais dit, c'est par rapport aux orientations, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Ok, super. Mathieu, du coup, toi, tu es athée. Est-ce que ta famille est également athée? Est-ce que c'est elle qui t'a transmis cette conviction? Ou est-ce que tu as toi-même développé ta propre vision? Et est-ce que tu pourrais nous la détailler un peu plus? Oui. Alors, pour ma famille, ça dépend à quel degré. Mais ma famille la plus proche, à savoir mes parents et mon frère, sont tous athées. A priori. Et en revanche, mon grand-père, qui n'est plus parmi nous actuellement, était très croyant. Et quand j'étais petit, il me donnait des petites versions de la Bible en images à lire, etc. Et c'est vrai que je les lisais un petit peu comme des histoires et il me parlait un petit peu de religion, mais il a jamais cherché à... Enfin, il aurait été ravi de me la transmettre, parce que j'ai une petite anecdote d'ailleurs sur mon papy, c'est qu'il avait commencé le séminaire donc pour devenir prêtre. Et il s'est arrêté au bout de 5 ans, quelque chose comme ça, parce qu'il s'est dit, en fait, c'est pas la vie que j'ai envie de mener, mais il est resté toujours très très pieux. Et je pense qu'il aurait adoré me transmettre cette foi très intense. Il a jamais cherché à me l'imposer non plus, donc moi j'ai jamais été plus attiré que ça par la religion. Et en fait, j'ai toujours trouvé les réponses à mes questions dans la science, donc pour moi c'est plus vers là que je me suis tourné, quoi. Donc une croyance pour la science, finalement. En un sens, oui. En fait, la science, pour moi, n'a pas forcément pour but de répondre aux mêmes questions que la religion. Mmh. C'est-à-dire que la religion, ça va plutôt répondre à la question de comment les choses se sont créées, alors que la science, c'est plutôt expliquer les choses qui se passent actuellement et comment ça fonctionne actuellement. Mmh. Donc, moi, je posais des questions sur la création du monde, mais j'ai toujours cru que la science pourrait peut-être y répondre un jour. Et pour l'instant, je me pose pas trop la question et je me dis que c'est quelque chose qui est un petit peu inatteignable pour nous, en fait. Et donc, je ne me pose pas la question. D'accord, super. Et du coup, toi et Shaima, donc je crois que tu es musulmane de famille. Est-ce qu'il y a une évolution dans ta conviction? Quel est ton rapport aujourd'hui avec? Moi déjà, je devrais signaler que j'ai grandi en fait au Maroc. Le Maroc, c'est un pays musulman. Donc j'ai grandi plutôt dans une famille musulmane, donc ma conviction, c'est quelque chose héréditaire, si je pourrais dire. Donc j'ai grandi dans une famille musulmane, j'ai toujours pratiqué l'islam, et puis je pourrais dire que l'évolution, ça a été lorsque je suis venue ici en France. Au début, j'avais un petit peu du mal à pratiquer pleinement ma conviction, puisque au début, j'étais voilée. Et puis voilà, là, je ne suis plus voilée. Donc, c'est déjà une évolution, si je pourrais dire. Et puis, je me sens bien, déjà, dans mes pratiques. Je suis pratiquante, mais je ne suis pas trop... je suis pas trop bornée, si je pourrais dire. En plus de ça, en France, vu que c'est un pays laïque, il y a toutes les convictions. On vit pleinement nos convictions, on n'a pas de problème, il y a des mosquées, on sent pas vraiment le changement. Par contre, je pourrais dire que pour moi, en fait, je fête aussi

Donc, on a la chance de pouvoir faire ça et de pouvoir aussi, lors de la messe, pouvoir animer les chants. Par exemple, cette année, on était 7 dans la famille. Il y a juste une de mes sœurs qui ne fait pas de musique, mais sinon, on était 7 à jouer de la musique lors des chants de la messe de Noël. Donc, c'était un moment très fort de communion en famille, en fait, à la fois dans notre foi, mais aussi ensemble, en famille, puisque on doit trouver une certaine harmonie entre nous. On fait tous des instruments différents, donc c'est un moment très très fort que je garde et qu'on fait quasiment tous les ans, en fait. En général, on se retrouve en famille et puis on anime la messe de Noël avec nos instruments. C'est l'une des rares fois où on fait de la musique tous ensemble dans l'année. C'est vrai que c'est très touchant, donc un moment d'échange de famille, de foi et de musique. Mmh. Ouais, c'est très beau. Et du coup, Audrey, toi, quel souvenir marquant t'aurais de fête? Moi, alors, c'est le souvenir du Vessac de l'année dernière. En fait, à la base, avec un ami, on s'était dit qu'on allait peut-être essayer de se rejoindre à la Grande Pagode de Paris. Sauf qu'il y a eu un virus qui nous a un petit peu compliqué la tâche. Et du coup, c'était assez amusant parce qu'on a dû faire un compromis et on a fait un espèce de Vessac visio, du coup. On a étudié quelques textes et on a discuté sur des textes importants du bouddhisme en visio. En même temps, c'était assez étrange, mais ça nous a permis de trouver une solution et de nous adapter à cette situation qui est un petit peu particulière avec la Covid quand même. J'imagine. C'est super intéressant de voir comment rebondir aussi là-dessus. Alors du coup, pour finir rapidement, une dernière petite question. Pour vous, en fait, finalement, est-ce que les fêtes ont un rôle important dans la société pour votre conviction? Finalement, à quoi ça sert de faire la fête? Alors, je pense que dans le christianisme, c'est un peu particulier parce que dû à l'historique de la France, aux racines chrétiennes, même si c'est sujet à interprétation, mais il y a des fêtes qui sont très ancrées dans la société. Mais je pense que plusieurs de ces fêtes dans l'année sont aujourd'hui un petit peu partagées entre l'aspect religieux et l'aspect jour férié, qui est aussi apprécié par même les personnes qui sont pas croyantes. Mais je pense que dans le christianisme, ça permet de ponctuer un petit peu l'année, d'avoir aussi des étapes et puis de trouver des moments aussi où pratiquer particulièrement et où vraiment faire des efforts, notamment pour le carême, faire des efforts sur soi-même et puis un peu une introspection de soi-même, de l'année qui s'est écoulée, de notre rapport à l'autre, à la foi, etc. Je pense que c'est important dans ce sens-là. Des fêtes, ouais, pour faire le point sur soi-même, du coup. Voilà. Et toi, Audrey, qu'est-ce que t'en penserais par rapport au bouddhisme? Moi, je rejoins Antoine sur le fait, effectivement, que c'est important d'avoir des moments comme ça qui ponctuent un petit peu l'année. Ça nous permet de se souvenir pourquoi est-ce qu'on est dans telle ou telle religion et pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et ensuite, effectivement, c'est important de pouvoir partager aussi certains moments avec d'autres personnes. Et puis d'avoir effectivement des moments un petit peu plus d'introspection, où on va observer un jeûne par exemple. Enfin, moi je pense que dans le bouddhisme c'est quelque chose qui est assez répandu et c'est quelque chose d'important. Ça nous permet de réfléchir un petit peu et voilà. Mathieu, tu pourrais nous parler d'un souvenir d'une fête qui t'aurait marqué? J'ai pas trop de souvenirs des fêtes qui m'ont marqué. Je me souviens surtout du 14 juillet, qu'on avait l'habitude de fêter avec mon frère et ma famille et les voisins et un peu les amis. Et c'est plutôt une fête donc laïque, durant laquelle, quand j'étais petit, on faisait péter des pétards et on se retrouvait au centre du village pour manger avec un peu tout le monde. Donc j'ai pas de souvenirs très marquants, en fait, des fêtes, mais c'est toujours des bons moments, en fait. Oui, c'est plus un ensemble de bons souvenirs. C'est ça. Okay. Les fêtes sont toujours attachées à un bon souvenir et pas forcément à quelque chose de très marquant. Ok. Et toi, Ishaïma, du coup? Moi, si je pourrais parler d'un souvenir, je parlerais de mon premier ramadan, puisque j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à mes 11 ans. Donc, le premier ramadan, tu dois jeûner 30 jours. À l'âge de 11 ans, c'était pas facile quand même. Et du coup, cette fête-là, c'était vraiment unique, puisqu'en fait, toute la famille savait que voilà, que Hachema a passé le ramadan. Donc, t'as eu plein de cadeaux. Tu te sens une princesse dans cette soirée-là. C'est ta soirée. Et puis, voilà, j'ai vraiment aimé. Tu ressens en fait. T'es habillée comme une princesse, ils te font des petits rituels, ils te maquillent, c'est vraiment comme une mariée carrément, et tu te sens que c'est vraiment ta journée. Et puis tu reçois plein de cadeaux, c'est comme si t'es le centre de cette journée. Du coup, je me rappelle très très bien, puisque j'ai passé quand même un mois fatigant, et puis voilà. La récompense était belle, en tout cas. Ah oui. C'est super. Et du coup, toi, Mathieu, pour toi, c'est quoi le rôle des fêtes pour toi? Pour la société, peut-être plus que pour ta conviction. Ok. À titre personnel, c'est toujours un moment de retrouver les amis ou la famille. Et pour la société, c'est une bonne question. Je pense que c'est une occasion de faire une pause dans le travail et... je pense que ça permet à tout le monde de se reposer un petit peu, de profiter de sa vie et de revenir un petit peu plus motivé. Voilà, pour travailler. Super. Je pourrais dire presque la même chose. Les fêtes pour nous, c'est une occasion vraiment de retrouver la famille, parce que c'est un rituel, mais vraiment un rituel. Au début, on fait notre prière du matin, et puis les familles doivent se rencontrer, et puis les amis aussi. Mais vraiment, c'est le but, si on pourrait dire, des fêtes. Mais aussi, par rapport aux croyants, les fêtes là, ça rythme en fait la vie du croyant tout au long de l'année. On attend surtout en fait que les deux fêtes là, la première, ça marque en fait la rupture du jeûne, et la deuxième, ça marque en fait la fin du pèlerinage. Donc c'est des grands moments de l'année chez le croyant musulman. Donc vraiment, on attend impatiemment en fait les deux fêtes là. Donc vraiment, ça permet de rythmer un petit peu, ça permet un petit peu de décontracter, de profiter, si on peut dire. Mais ça n'empêche pas de fêter toutes les autres fêtes. Au Maroc, par exemple, même ici, en fait, on fête tout. On fête vraiment tout. On fête Noël, on fête la fin d'année, on fête les réveillons, on fête tout. chaque fête, en fait, même les Pâques maintenant, en fait, ils fêtent le Pâques au Maroc. Puisqu'en fait, là, on a une grande population chrétienne au Maroc, puis juive aussi. D'ailleurs, on a une très grande culture juive. Du coup, on fête tout. À cette période d'année, on est comme en France, les boulangeries sont décorées, les maisons aussi, on a des sapins, ça permet de décontracter un petit peu. Oui, des moments pour rythmer l'année, pour se décontracter, pour profiter. Et retrouver la famille aussi. Super, merci beaucoup. Je vous remercie. Donc merci à Audrey, Antoine, Eshaïma et Mathieu pour votre partage dans notre première émission Co-Exprime. Donc, pour en apprendre plus sur les différentes convictions. Et si cette émission vous a plu et que vous voulez en apprendre plus sur différentes convictions, mais aussi sur le vivre ensemble grâce à la diversité, n'hésitez pas à contacter l'association Coexister Nancy, que vous retrouverez sur Instagram et Facebook. Et on se retrouve très vite pour un nouveau Coexprime. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de faire de très belles fêtes.